de la nation camerounaise a commencé. Il y aura la prospérité dans cette région. Il y aura la prospérité dans ce pays. Toutes ces choses sont déjà brisées. Autel d'écran dans la cuisine familiale. Dans la cuisine, l'autel d'écran, là où on prépare à manger. Donc on mange les esprits familiers. Autel d'écran dans la cuisine familiale. Dites-moi, quelle bénédiction vous pouvez vous attendre? À quel type de bénédiction? Et dès qu'on quitte, on va chez un féticheur aussi. Jugez vous-même. Est-il nécessaire d'accuser quelqu'un dans ce pays? Est-il nécessaire d'accuser qui que ce soit? Si ça ne marche pas, c'est le Camerounais lui-même qui attire la malédiction dans sa famille, dans sa région, dans le pays. C'est pour cela que je suis obligé de faire le tour des 10 régions. Je suis obligé de faire le tour des 10 régions pour délivrer. Dieu a dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je donne ce lieu en partage. Je dois faire le tour des 10 régions, que Satan, les sorciers le veulent ou pas. Les mêmes nuits de prière seront organisées à l'ouest, Bafoussam, Bamenda, le nord, Gawa, Gaoundéré, pour aller détruire sur place. Dieu a dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en partage. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Moi, je n'utilise pas les armes que les rebelles utilisent, les pistolets, les bombes. Mais j'utilise une arme qui n'est pas visible, le Saint-Esprit. Si j'avance une parole sur toi, cette parole doit s'accomplir. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Si je prononce un mot en bien pour toi, tu es béni. Mais si je tourne ma langue en mal, tu es maudit et tu es détruit. Ta vie est partie, que tu sois n'importe qui. Ta vie s'arrête à ce niveau-là. C'est pour cela que les sorciers doivent marcher nus dans ce pays, s'ils ne veulent pas se repentir. Ils vont marcher nus. Alors, au vu de ce qui est dit et ce qui est fait dans ce stade, je suis le docteur Issomba qui prêche là au stade et je fais les commentaires par rapport à ce que je disais à cette époque, il y a de cela quelques années seulement. Et toutes ces paroles se sont accomplies. Pourquoi? Parce que la plupart des Camerounais qui se sont livrés à des persécutions contre l'Église, contre les hommes de Dieu, parce que le réveil qui avait commencé dans la nation camerounaise lorsque j'avais pris l'engagement de prêcher sur les médias, c'est ça le grand problème de Satan. Il ne voudrait pas que nous puissions prêcher sur les médias. Et nous allons prêcher sur les médias, que Satan le veut ou pas. Nous allons utiliser les mêmes médias qu'il utilise pour vaincre, pour dominer l'humanité, pour détruire l'humanité, pour séparer l'humanité de son Créateur. Dans un pays comme le nôtre, le Cameroun principalement, où la moitié des ministres se trouveraient aujourd'hui en prison, vous pensez que c'est le fait du hasard? Non. La plupart des ministres ont posé des actes contre l'Église. Je le dis. Ils ont fait des programmes pour fermer les églises, prétextant que les églises dépouillent le peuple. Ils ont donné de l'argent aux journalistes pour écrire la presse, pour monter des vidéos, des documentaires contre les hommes de Dieu, moi-même en tête. Ils pensaient qu'ils étaient tout puissants, mais il n'y a personne qui peut se liguer contre Dieu, contre un homme de Dieu, et prétendre un jour que tu resteras en paix. C'est impossible. Que tu sois président de la République, que tu sois du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire ou du pouvoir législatif, tous les pouvoirs qui peuvent exister, que Dieu a donné aux hommes selon Romains chapitre 13. Mais Satan fait croire à ces gens que c'est lui qui donne des pouvoirs, comme il prétendait le faire avec Jésus, Matthieu chapitre 4. Mais puisque Matthieu chapitre 4 nous explique comment Jésus avait rejeté les allégations de Satan, et Satan est devenu ce jour-là le menteur devant le Seigneur, comme il a été toujours depuis sa rébellion dans le ciel, et il est descendu sur la terre animé d'une grande colère, d'une grande jalousie contre les êtres humains que Dieu a créés. Et ces êtres humains ont commencé à adorer Satan parce qu'il les a rendus pauvres à cause de la malédiction que Dieu avait prononcée lorsqu'Adam a obéi. Adam et sa femme ont obéi à la séduction satanique démoniaque. Satan a pris les commandes. Il a donc dépouillé l'homme. Il a séparé l'homme de son créateur en poussant l'homme à désobéir. Donc c'est à cause de cette désobéissance que la malédiction est entrée dans le monde, la mort est entrée dans le monde. La mort ici, elle est tout à fait spirituelle, donc tu es séparé de Dieu. Il y a des Africains qui disent que c'est le Dieu des Hébreux. Mais je me demande si les Hébreux existaient depuis le jour de la création. Est-ce que les Hébreux existaient? Non. Mais ce Dieu de la Bible se présente comme le Créateur et non le Dieu des Hébreux. Au fil des temps, il a tout simplement choisi un peuple par lequel il devait descendre dans le monde pour sauver l'humanité. C'est pourquoi, j'ai pas honte de le dire, que Jésus-Christ est Dieu, parce que Dieu descend dans le monde, selon l'évangile de Jean, chapitre 1er. Qui nous rappelle ceci, au commencement était la parole. Est-ce qu'il est dit au commencement étaient les Hébreux? Les Africains qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, prétendant que c'est le Dieu des Hébreux. Restons dans nos coutumes, restons dans nos traditions. Où est le Dieu des Hébreux sur ce que je suis en train de lire? Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, cette parole. En elle était la vie. Et c'est cette parole qu'Adam et Ève ont rejetée. En rejetant la parole de Dieu, vous attirez la malédiction de Dieu. Et ce qui s'est passé, et Adam et sa femme, plus la progéniture, tout ce qui allait naître par le canal de cet homme, Adam et Ève, jusqu'à toi qui m'écoutes, vous êtes nés sous la domination de la malédiction adamique. Il vous faut donc un sauveur. Mais où est le problème des Hébreux là-dedans? Les Hébreux eux-mêmes sont sauvés par Jésus. Si un Hébreu n'est pas sauvé par Jésus, il va tout droit en enfer. Il va tout droit en enfer. Ceux qui refusent Jésus, depuis 2000 ans jusqu'à ce jour, ils vont tout droit en enfer. C'est écrit dans la parole. Ils ont des promesses dans la fin des temps, quand Jésus va revenir. Après l'enlèvement de l'Église, Jésus va redescendre. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Mais Satan, le menteur, il a tant aimé le monde. Est-ce qu'il est dit qu'il a aimé les Hébreux? Que celui qui croit ait la vie éternelle. Jean, entame son évangile en appelant Jésus la parole, en utilisant ces termes pour désigner Christ. Jean le présente comme la parole de Dieu, personnifiée. Et indique que durant ce dernier jour, Dieu s'est adressé à nous à travers son Fils, selon Hébreux chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 3. Où est le Dieu des Hébreux dans cette affaire? Africain. J'ai dit africain. Où est le Dieu des Hébreux dans cette affaire? Satan vous trompe. C'est pourquoi vous passez le temps à persécuter les hommes de Dieu, à inventer des histoires. Il vous faut donc la délivrance. C'est une montagne. L'Afrique, ceux qui disent que l'Afrique va se développer, l'Afrique peut se développer sans Dieu. Les États-Unis qui ont commencé à se développer, vous dites que c'est le Dieu des Blancs. Après ça, c'est le Dieu des Blancs. Ils sont venus chez nous pour nous coloniser. Alors, je préfère encore le Dieu des Blancs. Avant l'arrivée des Blancs, vous étiez quoi? On dit qu'on avait des coutumes. Ces coutumes-là ont amené quelle civilisation? Rien. Quelle sagesse? Rien. Donc, le Dieu des Blancs est le Dieu qui donne la sagesse, parce qu'il a donné la sagesse aux Blancs. Je préfère encore ce Dieu-là que le Dieu qui rend les gens pauvres. Que le Dieu qui maintient les gens dans les divisions. Que le Dieu qui maintient les gens dans une misère extrême, pas d'amour. C'est l'une des montagnes. Puisque le thème central d'aujourd'hui, il faut que la montagne soit ôtée. Avant que la montagne ne soit ôtée, il faut que cette montagne soit discerné, soit identifié. Parce que notre mission numéro 1, hier, j'ai bien dit, selon la parole de Dieu qui dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Parce qu'on a toujours cru que nos montagnes sont des montagnes personnelles, c'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est la misère, pourquoi ça ne marche pas, ma vie est en dents de scie. C'est bon. Ça aussi, c'est des montagnes. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais il y a d'autres montagnes qui nous ont plongés dans cette situation. Première montagne, comme je le disais hier, le péché originel. Si vous ne recevez pas le salut, vous courez derrière les richesses, comme tous ces ministres qui sont en prison aujourd'hui. Les directeurs généraux en prison. Après avoir été élevé, tu es humilié comme l'autre qu'on a ramené du Nigeria. Il fuit. Lui qui disait, qui insultait les pasteurs. Tout ce monde-là qui sont en train de fuir aujourd'hui, qui venaient d'être relevés de leur fonction. Ils étaient des ministres, ils étaient ceci. Relevés de leur fonction au Cameroun. Mais qui pouvait montrer du doigt, dire, pour prononcer seulement le nom de cette personne quand ils étaient au pouvoir. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut. Il retire. Comme il avait dit à Nebuchadnezzar. Quand tu deviens tellement orgueilleux, je précise que tous ceux qui restent dehors là, qui sont au pouvoir, vous allez finir comme eux. C'est comme ça que je parle tout le temps. Vous allez finir comme eux. Si vous n'acceptez pas Jésus, vous allez finir comme eux. Je l'avais déjà dit auparavant. Ça, c'est une vidéo de 2010. Ce que vous suivez là, 2000 combien? 2010. Continuez à lire, homme de Dieu. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce que vous voulez sur Dieu, en lui, Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en Jésus. Vous avez tout pleinement en Jésus. Vous avez la guérison en Jésus. Vous avez la délivrance. Vous avez les miracles. Vous avez la prospérité. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des autels, des sacrifices. Vous n'avez pas besoin de passer par les coutumes. Vous avez tout pleinement en lui. qui est le chef de toute domination. Jésus est le chef de toute domination, de tout esprit qui travaille dans les coutumes, de tout esprit qui travaille dans les cimetières. C'est pour cela que tu vas sortir du cimetière aujourd'hui. Parce que le chef des dominateurs, Jésus de Nazareth, est arrivé dans le pays. Il doit libérer tous ceux qui sont enchaînés dans les cimetières. Il est le chef de toute domination. Et de toute autorité. De toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Ce soir, il doit délivrer. Ce soir, il doit libérer. Ce soir, le sorcier qui ne veut pas se repentir, marchera nu demain matin. Il doit marcher. Jésus est arrivé dans ce pays pour délivrer. Pour libérer. Parce que les Camerounais ont été emprisonnés par les sorciers. Ils ont été emprisonnés dans l'alcool. Il y a des ventes emportées partout. C'est la sorcellerie. Il est le chef de toute domination. Il est le chef de toute domination. Il est le chef de toute. Il est le chef de toute domination. Il est le chef de tout sorcier. Il est le chef de tout démon. Donc tous les démons doivent sortir ce soir. Tous les démons doivent sortir ce soir. Les maris de nuit doivent sortir. Ceux qui ont mangé les organes dans ton corps, ils vont vomir ces organes. Ceux qui ont enterré ton mariage au cimetière, ton mariage va sortir du cimetière. La bouche de l'Éternel. Asseyez-vous, la délivrance n'a pas encore commencé. Nous sommes encore très loin de la délivrance. Eh bien, l'esprit de rébellion omniprésent dans le monde et dans les familles a contaminé l'Église de nos jours. Bien des chrétiens ne veulent plus entendre parler du péché. Ils ne veulent plus entendre parler des démons. Ils ne veulent plus entendre parler de la loi et des prophètes. Ils disent que nous ne sommes pas sous la loi. Sauf, ils aiment des prédications que j'appelle tout simplement de la séduction. C'est-à-dire les bénédictions, tout en rejetant les préceptes qui dérangent. Dieu est bon, mais il est également sévère envers les rebelles. Or, la loi précisément condamne le rebelle et non le juste. En 1 Timothée chapitre 1 verset 9, Paul désigne comme pouvant être condamné par la loi les méchants, les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges, les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les trafiquants, les esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est en outre opposé à la sainte doctrine. C'est dit dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Notons entre le mot indiscipliné. La discipline, précisément, c'est l'obéissance aux lois divines. Il y a une forte opposition à la sainte doctrine dans la majorité des églises. Paul avait annoncé cela comme une caractéristique des derniers temps. Les gens seraient égoïstes, amis de l'argent, rebelles à leurs parents, calomniateurs, enflés d'orgueil et aimant leur plaisir plus que Dieu. Paul parle des gens qui auront l'apparence de la piété, mais qui renieront ce qui en fait la force. Les athées n'ont pas l'apparence de la piété. Cela s'adresse donc à des chrétiens. Aujourd'hui, tu es chrétien ou disciple? Tu es chrétien ou disciple? Il ne parle pas des athées, ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Mais ici, il parle des chrétiens. Ce qui fait la force de la piété, ce n'est pas seulement la foi en Jésus-Christ. C'est aussi la crainte de Dieu. Vous pouvez avoir la foi en Jésus et ne pas avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu a presque totalement disparu des églises. Ce qui est une signature du diable. Beaucoup de responsables spirituels se plaignent de ne pouvoir reprendre quelqu'un sans se voir traité des légalistes de méchant, de dur. Si tu oses prêcher sur les tenues moulantes dans les églises, si tu oses toucher les problèmes d'habillement dans les églises, des parures dans les églises, alors là c'est grave, l'église va se vider. Là tu cours le risque de voir des personnes fuir, des chrétiens fuir l'église. Pourtant, avec cette mode, des serpents entrent dans l'église. Beaucoup de vêtements actuels, d'ailleurs, sont ornés des dragons, des symboles des serpents. Voilà l'une des montagnes qui existent dans l'église. On dit, on a Christ. Mais si on a Christ, est-ce qu'il n'y a plus de discernement? Bien des pasteurs ont baissé les bras, car par crainte de perdre une partie de leur troupeau, postulant que Dieu fera son œuvre en temps utile. Comment Dieu va faire son œuvre en temps utile? Tu es là pourquoi? Il a donné aux uns comme pasteurs, comme apôtres, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est écrit, non? Dieu va faire son œuvre par qui? Tu es le premier candidat pour l'enfer. Toi, le pasteur qui refuse. Parce que nos yeux se tournent résolument sur les choses de la terre. Or, Jésus n'est pas venu pour les choses de la terre. Jésus est venu essentiellement pour nous amener au paradis que nous avions perdu par le canal de notre ancêtre Adam. On a perdu le paradis. Ça, c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec le physique. Mais lorsque tu reçois le spirituel, alors Jésus commence à s'occuper du physique. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa loi parfaite. Celle qui a été écrite par Moïse et les prophètes. Celle qui a été accomplie par Jésus. Et celle dont le Seigneur a rappelé qu'elle ne disparaîtra jamais tant que le ciel et la terre subsisteraient. Notre Seigneur y a même rajouté des exigences plus grandes. Nous allons voir pourquoi et quelle extraordinaire bénédiction cela entraîne lorsqu'on se soumet. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, tant que la terre et le ciel existeraient, la loi, un petit point, un petit trait de la loi ne va jamais disparaître. Parlons d'abord du légalisme. C'est une perversion diabolique de la loi. Le légalisme a fait au cours des siècles des dégâts considérables dans l'église. Où on ne met plus l'accent sur la grâce, on met l'accent sur ce qu'on appelle le légalisme, c'est ça. Il faut un évangile équilibré. Un évangile équilibré. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais la grâce, qu'est-ce que la grâce? C'est ça le problème. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, dit la Bible. La grâce nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété. L'impiété, c'est quoi donc? C'est toute cette tradition, c'est tout ce qui est dit ici. Vivre comme si Dieu n'existait pas. Le légalisme, c'est une utilisation abusive de la parole de Dieu par des gens désireux de dominer, de manipuler ou de se mettre au-dessus des autres. Comme les soi-disant, les calomniateurs qui viennent pour critiquer seulement, pour critiquer. Tel a fait ça. N'allez plus là-bas, ne faites plus ceci. Ça, ce sont des légalistes, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça n'a vraiment rien à voir avec la spiritualité. Ceux qui passent le temps à dénoncer. Il n'y a pas un ministère de dénonciation. Je le dis tous les jours. Ça n'existe pas. C'est un esprit religieux, un serpent. Il distille son venin sous forme de menaces, larvées ou de condamnations, propres à clouer le bec de tout contradicteur parce qu'elle s'accompagne de Dieu a dit. Voilà le légalisme. Dieu a dit. Bien-aimés, chers frères en Christ, voici, ne faites plus ceci, faites pas le rien, lisez la Bible, restez à la maison. Non. Ce n'est pas, il faut un évangile équilibré. Je vous ai dit hier, un évangile équilibré, c'est un évangile, on prêche le salut. qui passe par la grâce et non par les œuvres. Ce n'est pas parce que j'observe la loi que j'irai au ciel. Non, ce n'est plus le vrai évangile. Car Corneille pouvait aller au ciel en observant la loi. Actes chapitre 10 témoigne que Corneille était parfait selon la loi. Mais pourquoi Dieu a encore besoin d'envoyer Pierre lui parler de Jésus? Mais Satan a envoyé à l'église un trait encore plus mortel, directement issu du monde moderne. Il est interdit d'interdire. Interdit d'interdire. Donc on ne doit plus interdire quoi que ce soit à l'église. Il faut fermer seulement la bouche. Il faut regarder les gens. On prie seulement sur la bénédiction. On prophétise. Interdit d'interdire. Voilà les versets de Satan. Il est dur. Il est ceci. On fait croire aux chrétiens qu'ils ont toute liberté de faire ce qu'il leur plaît, sous prétexte qu'ils ne sont plus sous la loi. Ils sont comme des gens qui prendraient le volant de leur voiture, convaincus qu'ils n'ont plus à observer les feux rouges, les stops et les sens interdits, car quelqu'un de leur famille a payé par avance l'amende. On a déjà payé l'amende, on a déposé. Roulez comme vous voulez, sur les sens interdits. Quelqu'un a déjà payé. Donc Jésus a tout payé. Ça veut dire que faites ce que vous voulez. Oui, Jésus a tout payé. Nous sommes sous la grâce. Jésus a tout payé. Nous sommes sous la grâce. J'aime ce livre. J'ai lu un livre. Cette femme a écrit. Ça a attiré mon attention. Il y a des gens qui ont fait des séminaires avec mon livre témoignage. Il y a d'autres pasteurs qui ont rejeté parce que ils ne sont même pas encore convertis. Mon propre livre témoignage que j'ai écrit. Il y a des gens qui m'ont dit, homme de Dieu, ce livre a béni ma vie. Dieu m'a béni par le canal de ce livre. Ce n'est pas lui qui bénit, mais Dieu l'avait béni par le canal de ce livre, a béni son assemblée par le canal de ce livre, ce qui est dit dans le livre. Et moi-même, je lis beaucoup. Et ce livre-là, c'est une femme du Seigneur qui a fait des recherches sur la délivrance. Elle n'est pas passée par le satanisme comme moi, mais elle a fait des recherches sur les problèmes de délivrance. Et quand j'ai lu le livre, j'ai compris qu'il y avait des vérités dans ce livre. Ils sont comme des gens qui prendraient le volant de leur voiture, convaincus qu'ils n'ont plus à observer les feux rouges. Alors, quand tu n'observes pas les feux rouges, qu'est-ce qui va se passer? C'est toi qui es le premier candidat à la mort. Tu vas mourir. Accident et tout ce qui sont dans ta voiture. Donc les pasteurs qui enseignent ça, que aujourd'hui on n'a plus besoin de la sanctification, n'est pas d'actualité. Soi-disant pasteur qui se met sur les réseaux sociaux et dit la sanctification n'est plus d'actualité, Jésus n'est plus d'actualité. Qu'est-ce qui est d'actualité aujourd'hui? Bandit spirituel. Qu'est-ce qui est d'actualité? Un homme de Dieu qui se met à dire la sanctification n'est plus d'actualité. Dans la parole de Dieu, on ne doit pas lire. Tu profites sur quoi? Quand on prend le volant de sa vie chrétienne, en décidant d'oublier les stops, les feux rouges et les sens interdits de Dieu, on s'expose à des chocs, à des carambolages, on s'expose aux accidents, on s'expose à la prison. On peut y décimer sa propre famille ou rendre estropier ses propres enfants et ceux d'autres familles également. Tu mets ta vie en danger, la vie de ta famille en danger et la vie aussi des autres occupants des véhicules qui viennent en sens inverse. Ta vie en danger, c'est ça. Les gens qui disent que on n'a plus besoin de sanctification, nous ne vivons plus sous la loi. De quelle loi il s'agit? Alors continuons à voler, continuons à danser nu devant les gens en disant, Dieu m'a dit, oh oui, Dieu m'a dit que je dois continuer à faire ce que je voulais. Donc, si je me suis converti et que j'étais une musicienne ou musicien païen, j'ai dansé nu, je faisais des choses abominables. Et après la conversion, je continue à faire. Où est le passé dans ma vie? Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et puis, c'est Dieu qui te demande de continuer à faire ça. Dieu peut te demander de continuer à faire la magie. Où est la délivrance? Dieu peut te demander de continuer à voler. Où est le passé dans ta vie? C'est ça la religion. C'est ça la religion. Il n'y a pas de passé. Satan réédite ainsi le sinistre chef d'œuvre accompli avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Devant Ève, Satan dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il continue. Ah, c'est Paul qui a parlé ici. C'est elle qui a parlé. C'est à l'époque de Paul, c'est pas à notre époque. Or, la Bible dit, Dieu est dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est le même Dieu. Pourquoi nous avons les mêmes écrits de 2000 ans? Depuis la fondation du monde, on nous parle de comment le monde a été créé dans le livre de Genèse. Est-ce que toi, tu étais là? Pourquoi tu lis dans la Bible? L'œuvre de la croix, ce n'est pas seulement le salut par la foi et la guérison. La nouvelle naissance, grâce au baptême du Saint-Esprit, nous permet d'accomplir ce qui était impossible par la chair et par notre seule bonne volonté. La sanctification. Qu'est-ce qui était impossible d'accomplir par notre chair? La sanctification. C'est la nouvelle naissance qui nous permet d'entrer dans la sanctification. Donc, si tu ne peux pas vivre dans la sanctification, c'est que tu n'es pas né de nouveau. C'est pourquoi il y a des chrétiens, je dis bien chrétiens qui ne sont pas des disciples. Jésus a ordonné, allez dans toutes les nations du monde, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, faites de toutes les nations des chrétiens. Tout le monde est chrétien. Il n'est pas de nouveau, il est chrétien. Tous ceux qui sont dans les religions, catholiques, protestants, comment on appelle, adventistes, témoins de Jéhovah, tout le monde est chrétien. Est-ce que tous ces gens-là sont des enfants de Dieu? Les enfants de Dieu sont des disciples. Sont des disciples, à la différence du chrétien. Le chrétien peut être franc-maçon, oui, ça se dit dans la franc-maçonnerie. Le chrétien peut être rosicrucien, ça se dit aussi là-bas. Le chrétien peut observer les coutumes, les traditions de sa famille, ça se dit aussi là-bas. Les prêtres, je vois dans mon village là-bas, avant l'enterrement, le prêtre est là. Il dit aux gens, faites d'abord vos coutumes, et moi je vais lire la messe bien après. Il laisse les gens faire leurs coutumes, leurs traditions, par leur mort, ce qui est interdit par la parole de Dieu, bien sûr. Avec d'autres coutumes démoniaques, absolument démoniaques. Et puis, il va lire sa messe bien après. C'est un mélange. Voilà ce qu'on appelle la religion. Mais rien à voir avec Dieu. Avec la nouvelle naissance. Quand une personne est née de nouveau, cette personne a un passé. Dans tous les domaines, tu as un passé. Dans le domaine des échecs, tu as un passé. Dans le domaine du célibat, tu as un passé. Du péché, tu as un passé. Dans tous les domaines, tu as un passé. Mais si aujourd'hui, tu n'as pas de passé, donc il y a des montagnes que tu dois identifier et parler à ces montagnes. C'est pourquoi à partir de, puisque nous parlons de la fête pascale, Pâques, aux Tables des Nations Paris, sur cette adresse que je m'en vais vous donner tout à l'heure, nous devons, vous devez être là. Pourquoi tout ceci arrive alors? Parce que l'absence de délivrance rend beaucoup plus difficile l'obéissance au Seigneur. Dieu dit, si tu obéis aux commandements et aux ordonnances, tu seras béni. Est proprement stupéfiante. Dieu insiste car il connaît le cœur rebelle de l'homme, le même que le cœur d'Adam. Il répète aussi, mais si tu désobéis, tu seras maudit. Est-ce qu'il a changé? Est-ce que c'est Dieu qui l'a changé? Non. C'est pas parce que Jésus a tout payé. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un te dit, j'ai déposé 100 000 euros aux impôts pour que toi tu roules avec ta voiture comme tu veux, tu prends même l'autoroute en sens inverse. Parce que j'ai tout payé, on va donner les amendes. Oui, les amendes, ça c'est les amendes. Jésus a tout payé les amendes. Mais il y aura des conséquences dans ta chair. Tu prends l'autoroute à sens inverse, mais c'est fini pour toi. C'est ce qui arrive à ceux qui refusent d'obéir à la parole de Dieu. Jésus a tout payé. Ils sont déjà chrétiens, mais Jésus a tout payé, oui. C'est comme on a déposé 1 million d'euros. Fais tout ce que tu veux sur les routes. On a déposé au trésor français 1 million d'euros. Quelqu'un a tout payé. Mais alors, ce que tu vas faire, c'est ton corps qui va recevoir. Il y a une telle confusion dans le domaine de la loi que j'apporte une fausse doctrine de la grâce à l'intention de ceux qui sont fatigués de l'état pitoyable de leur église et de son manque de fruits. Si aujourd'hui, ton église ne porte pas des fruits, monsieur le pasteur, tu es responsable parce que vous passez par la séduction pour attirer les gens. Les gens ne sont plus convertis. Il n'y a que la séduction. Il n'y a que la séduction. Il faut d'abord, le problème de la délivrance, c'est la cure d'âme. La cure d'âme, c'est quoi? C'est la mise en pratique tout simplement de la parole de Dieu. Si les gens viennent dans votre église, vous ne connaissez pas leur passé. Mais alors, vous allez me dire quoi? 3 domaines pour la délivrance. 3 grands domaines nécessitent la délivrance. Le premier est consécutif au traumatisme de l'âme. Sans la cure d'âme, votre âme a des carences affectives. Le rejet, par exemple, le deuil, les trahisons, les abandons, l'inceste. Voilà des montagnes. Lorsque vous perdez un membre de votre famille, étant païen, et que il y a des traditions qui vont suivre, on va vous pousser à poser des actes traditionnels. Votre âme sera souillée. Votre âme sera blessée. Quand vous recevez le Seigneur, le péché originel qui vous empêche d'être habité par le Saint-Esprit est détruit par le sang de Jésus. Mais c'est à vous de parler de ce qui s'est passé dans votre famille quand vous aviez perdu un membre, quelles sont les pratiques qui ont été engagées par les ancêtres, par vos parents, et que ces pratiques, vous étiez là. Ces pratiques ont ouvert la porte. Dans nos familles, il y a ce qu'on appelle des carences affectives. Il y a des parents qui sont durs avec les enfants. Il y a des démons qui entrent. Et on voit ces enfants aujourd'hui en train de tuer. Ces enfants deviennent aussi violents envers leurs propres enfants, envers leurs femmes, envers leurs maris. Il y a des carences affectives. Un enfant qui a vécu dans une famille où il y avait des carences affectives, sa propre famille aura aussi des carences affectives, même si cet enfant a reçu le Seigneur, même si cet enfant est sauvé. Sauvé veut dire tu es délivré du péché originel. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est délivré des carences affectives. Mais lorsqu'on va enseigner la parole de Dieu, et que la parole de Dieu ne parvient pas à pénétrer, c'est parce que ton âme avait enregistré. Il y a des démons qui sont entrés. C'est pourquoi on voit des pasteurs méchants. Il a un passé où il avait vécu dans une famille qui avait des carences affectives. Il y a vraiment des hommes de Dieu méchants. Des hommes de Dieu, quand il se met à parler, il va t'insulter. C'est son passé qui se manifeste à l'intérieur. Il y a des hommes de Dieu qui frappent leur femme. Quand il se met à parler mal de sa femme, il n'a pas des actes affectifs envers sa femme. Sa femme souffre. Quand vous voyez parfois les foyers des hommes de Dieu, à l'extérieur, c'est des foyers vraiment. Mais si la femme ouvre la bouche, si l'homme ouvre la bouche, parce que l'homme aussi a des problèmes, la femme aussi a des problèmes. Il y a des carences affectives, il y a des femmes qui ne savent pas manifester l'amour envers le mari, même en parole, en acte, en tout. Parce qu'il y a eu des carences affectives là où la femme est née, là où le monsieur est né. Cette personne a besoin de la délivrance. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu. Nous, les Africains, on a besoin de la délivrance. Parce que dans nos familles, il y a des carences. Nos familles, regardez un peu les foyers des Africains. Les blancs, ici en Europe, tu vois le blanc qui embrasse sa femme. Partout où ils vont, il n'a pas honte. Mais l'Africain, essaie même d'embrasser ta femme. Essaie d'embrasser ta femme devant les gens. Essaie d'embrasser ton mari. Manifester l'amour, même devant les parents, ça ne peut pas se faire chez les Africains. Donc, sur ce point, l'Africain a besoin de la délivrance. Les démons sont entrés. Les esprits sont entrés. Nous avons d'autres souffrances, le rejet dans la famille. En Afrique, c'est l'enfant qui commence à se prostituer, qui amène l'argent dans la famille, parce qu'elle se prostitue, une petite fille se prostitue, amène l'argent dans la famille, les autres qui ne se prostituent pas seront rejetés. La fille commence à vivre le rejet dans la famille. Pourquoi? Parce qu'elle n'amène pas de l'argent. 14 ans, elle se prostitue déjà pour amener de l'argent dans la famille. Si elle ne le fait pas, elle sera rejetée. Les garçons aussi, c'est la même chose. Et pourtant, en Europe, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Alors, quand les pasteurs africains adoptent l'évangile qui est prêché en Europe, alors que même les Européens ont besoin de la cure d'âme, dont la délivrance, après avoir obtenu le salut en Christ, c'est pas seulement la parole qu'on va prêcher. Non, pas du tout. Vous avez donc les deuils, par exemple, toutes les pratiques. Lorsque Deutéronome chapitre 18 précise que qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse entrer son fils ou sa fille par le feu, qui consulte les devins, quel Africain de génération en génération qui peut montrer le doigt aujourd'hui que ma famille n'a pas consulté les devins? Les traditions, les coutumes, toutes ces coutumes-là dans la famille, quel Africain qui peut me dire aujourd'hui? Voilà les montagnes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Chez nous en Afrique, je précise chez nous en Afrique, pourquoi nous vivons dans une pauvreté, dans une misère? Pourquoi on ne peut pas bénéficier des ressources minières qui sont enfouies dans nos sous-sols en Afrique? À cause de tout ça, beaucoup de malédictions. Comment briser une malédiction? Il faut d'abord l'identifier. Il ne peut pas être brisé s'il n'est pas identifié. Jésus, quand il est entré dans ta vie, la première malédiction que Jésus a brisée, qui a été identifiée, c'est celle d'Adam et Ève. C'est pourquoi il dit, allez annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne touche pas tes péchés. Écoute-moi bien. Si ces péchés ne sont pas identifiés, c'est pourquoi il faudrait les confesser. La bonne nouvelle, je répète, ne touche pas tes péchés. Si ces péchés ne sont pas identifiés par toi-même, répentez-vous, vous devez vous répentir. C'est-à-dire, identifie le péché. Le premier dans ma vie est originel. Pour que le Saint-Esprit passe pour habiter dans mon corps, il faut au préalable le brisement, la destruction du péché originel par le sang de Jésus. C'est pourquoi le sang de Jésus est utile. C'est pourquoi aussi la loi. Les gens pouvaient observer la loi, pouvaient même confesser leurs péchés dans l'Ancien Testament, mais le Saint-Esprit ne pouvait pas les briser, ni délivrer ces gens-là. Pourquoi? Parce que la première porte, la première malédiction existait, qui ne pouvait pas être ôtée par une simple confession ou repentance. Donc, c'est seulement le sang de Jésus qui avait le pouvoir, qui a le pouvoir d'ôter ce péché originel. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors les autres péchés qui sont personnels, que ce soit ceux de ma famille ou bien mes propres péchés, doivent être d'abord identifiés par moi-même dans un état de prière. Et après avoir identifié ces péchés, je suis prêt à les abandonner. Et en même temps à les confesser, parce que ce n'est plus ma vie. Les gens disent c'est ma vie. Non, c'est pas ta vie. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. Donc la première étape, c'est d'abord la reconnaissance de votre péché. Le premier pour recevoir Jésus, le premier c'est le péché originel, et les autres, donc reconnaissez, identifiez, j'appelle ça identifier, le péché des ancêtres. Les pasteurs qui vous diront qu'eux-mêmes sont encore dans leur péché. Vous pensez que prophétiser, n'est-ce pas les prophètes dans l'Ancien Testament ont prophétisé, est-ce qu'ils étaient habités par le Saint-Esprit? Non. Non, ils n'étaient pas habités. Le Saint-Esprit descendait tout simplement. Parce que Dieu avait un but dans la vie de ce prophète, pour son peuple. Mais le Saint-Esprit n'habitait pas dans la vie des gens dans l'Ancien Testament. Relisez correctement votre Bible. Le Saint-Esprit descend le jour après le sacrifice que Dieu offre au monde, passant par Jésus, la résurrection de Jésus. C'est après 40 jours que le Saint-Esprit descend pour habiter dans les corps des gens, et nos corps deviennent des temples du Saint-Esprit, parce que Jésus avait déjà versé son sang. Et c'est le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est pourquoi nous recevons Jésus par la parole, nous, de la confession, dont il détruit le péché originel. Et que, dès qu'il détruit le péché originel, le Saint-Esprit a la possibilité de descendre dans ton corps. Il commence donc à te convaincre des péchés. Convaincre. Demandez à Dieu d'enlever la malédiction qu'il avait mise sur votre vie. Quelle malédiction? Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, verset 16, verset 17. Venant du péché originel, vous devez commencer à prier maintenant, dire à Dieu, tous ces péchés, toutes ces malédictions doivent être ôtés dans ma vie. Et l'homme de Dieu qui prêche doit également le faire sur toi. C'est pourquoi ce vendredi, ce dimanche, au Table des Nations ici, dans tous les Tables des Nations, puisque c'est Pâques, et tous les dimanches, on doit le faire. Ce dimanche spécialement, c'est l'une des montagnes. Donc on doit identifier ces montagnes. Lorsque Dieu dit, il avait maudit la terre. Ordonnez à chaque démon venu dans votre vie par ce péché de vous quitter immédiatement. Alors, comment on peut ordonner à ces démons qui sont entrés par lesquels? Il faut d'abord identifier les péchés. Si on n'identifie pas ces péchés, c'est fini. C'est fini. Il faut identifier ses péchés. Toi-même, prends ton bic. Avec une feuille, tu commences à identifier tous les péchés commis. Même ce péché-là, est-ce que ce sont les péchés de ton père? Ce sont tes propres péchés. Il n'y a pas de pardon sans confession, sans repentance. Ça n'existe nulle part. Ce n'est pas parce qu'on a confessé le nom de Jésus, ça c'est la confession de la foi qui est différente de la confession du péché. Certains ne sortent jamais de leur amertume ou de leur apitoyement. Ils pensent légitime de rester centrés sur eux-mêmes en attendant leur guérison, préférant croire le monde qui affirme on ne peut pas donner que ce corps, que ce que l'on a reçu. Mais la Bible déclare, donnez et vous sera donné. Une pleine mesure serrée, secouée et qui déborde. Donnez et vous sera donné. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais vous suivez toujours les prétextes du monde. Les affirmations bibliques heurtent souvent la raison, surtout quand celle-ci s'accroche à des termes populaires considérés comme vérité. On abandonne la parole de Dieu. Mais Dieu est au-dessus de notre logique. Ce qu'il dit se réalise toujours. Dieu pèse les motivations et délivre en priorité l'âme de ceux qui veulent le servir. Dieu ne délivre pas tout le monde, s'il vous plaît. Dieu délivre d'abord l'âme de ceux qui veulent le servir. Le servir ne veut pas dire tout simplement aller prêcher, créer des églises, avoir les cinq ministères. Tu peux le servir avec ton argent, tu le sers avec ton corps, tu le sers avec tes enfants, tu le sers. C'est pourquoi tous nos enfants spirituels, j'ordonne à tous qui reçoivent le Seigneur par notre évangile, vous commencez à créer des cellules, vous m'appelez, je suis votre père spirituel, vous créez une cellule dans votre maison, vous invitez les gens, vous créez une cellule. Si vous êtes dans une ville en France, vous êtes dans une ville en Suisse, aux États-Unis, partout dans le monde, ne m'appelez pas seulement pour me parler des démons qui ont bloqué votre argent, qui ont bloqué votre vie professionnelle. Où est-ce que vous servez Dieu? Vous annoncez l'évangile où? Invitez les gens, vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Mettez les vidéos du Temple des Nations. Invitez vos amis et mettez la vidéo. Ils vont commencer à vous poser des questions, enregistrer les questions, envoyez-nous ces questions. C'est déjà une cellule du Temple des Nations. Vous êtes des enfants de Dieu, des temps de nation, j'ai le droit de vous enseigner parce que vous aviez reçu le Seigneur par moi. Je ne suis pas un prophète qui va récolter les âmes à gauche, à droite pour dire, tu es ma fille spirituelle alors que Tu as reçu le Seigneur, c'est par moi, par cet évangile, que tu as pu identifier l'existence du péché originel dans ta vie. On ne t'avait jamais parlé de ça. Pourtant, tu allais dans les églises, mais tu n'étais pas enfant de Dieu. Tu n'étais pas enfant de Dieu. Et maintenant, tout ceci, tu dois commencer à servir. Mais il n'est personne dont l'âme est si estropiée qu'elles peuvent rester infirmes du cœur à vie, sauf miracle. Un jour, j'ai entendu beaucoup de choses au sujet des gens qui avaient tenté de trouver une solution à leurs problèmes dans le corps de Christ. Certains avaient fini par fuir toute l'église. Tant qu'ils ne trouvaient pas la solution à leurs problèmes. Ils pensent que Dieu va d'abord résoudre ces problèmes, alors que le problème de Dieu est que les âmes soient sauvées. Qu'est-ce que tu fais pour que les âmes soient sauvées? Quand tu vas à l'église au matin, tu appelles qui au téléphone? Allons à l'église. Tu prends ta voiture pour dire, je viens te chercher. Est-ce que tu évangélises les âmes qui sont autour de toi? Tu les évangélises? Et tu veux que Dieu règle tes problèmes. Dieu aussi a un problème. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais ce n'est pas lui. Il a déjà tout fait. Comment ils entendront s'il y a personne qui prêche? Tu annonces la bonne nouvelle à qui? La délivrance est toujours facilitée par le don de discernement des esprits. C'est un don que Dieu accorde souvent à ceux qui s'impliquent dans la délivrance. Tous les ministères et tout serviteur de Dieu doit s'impliquer dans la délivrance. Sinon, tu n'es pas serviteur de Dieu. Ne fuyez pas la délivrance pour dire que vous avez peur des démons ou bien pour dire que, oui, quand on a reçu le Seigneur, c'est la parole qui délivre. Oui, la parole, c'est ce qui, c'est Jésus. Et Jésus lui-même a délivré, a chassé les démons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Où est-ce que tu chasses les démons, toi, serviteur de Dieu? Tu vas chasser les démons sur les païens? Est-ce qu'on chasse les démons sur les païens? On chasse les démons sur ceux dont ils viennent de recepter le Seigneur, qui entrent dans l'église. Ils entrent dans l'église avec des problèmes. Asseyez-vous, faites asseoir les brebis qui viennent d'entrer dans votre église. Il faut les écouter, leurs problèmes. Et en les écoutant, vous faites le discernement. Puisque vous avez déjà un don de discernement des esprits, et il y a aussi la détection sur son histoire. Vous écoutez son histoire. Qu'est-ce qu'il a pratiqué avant de se convertir? Et par là, vous allez connaître les implications spirituelles de son passé. Et puis, vous allez faire ce qu'on appelle le discernement, une liste des esprits qui entrent, les esprits afférents qui entrent dans sa vie, qui harcèlent cet homme, et vous allez les chasser. Invitez-moi, vous qui prêchez là, que le chrétien n'a plus besoin de l'écran, invitez-moi dans votre assemblée. Je vais vous prouver que vous mentez. Qu'il y a des chrétiens là, que vous avez annoncé l'évangile, qui sont habités encore par les démons. Vous fuyez vos responsabilités, serviteurs de Dieu. Ce n'est pas ça l'évangile. Cet évangile n'est pas équilibré. La deuxième catégorie de délivrance ne souffre pas de délai, car ce type de lien entrave toute avancée dans la vie chrétienne. L'occultisme. Et quel est l'Africain aujourd'hui qui peut montrer son petit doigt, même les pasteurs africains qui prêchent ça, que ta famille n'a pas été impliquée dans l'occultisme, dans la sorcellerie? Montrez le doigt. Montrez le doigt. C'est un petit exercice de rien du tout. Il est le chef, dès qu'il a lu, il est le chef de toute domination. Les démons ont commencé à fuir parce qu'ils ont entendu que le chef est arrivé. Mais quand le chef arrive, les esclaves doivent fuir, les sorciers doivent fuir, la maladie doit fuir, la maladie doit fuir, l'infirmité doit fuir, les esprits impurs doivent fuir, parce que le chef est arrivé, la pauvreté doit fuir, la misère doit fuir. Les maris des nuits doivent fuir. Rien à faire. Je cherche les sorciers. Est-ce qu'ils sont là? Descendez. Je vous ai demandé de former une équipe nationale. J'ai demandé aux sorciers du Cameroun de former une équipe. Est-ce qu'ils sont arrivés? Nous allons faire un petit exercice. Est-ce qu'ils sont arrivés? J'ai lancé le défi à la télévision, à la radio. Nous allons faire un petit exercice qui ne va pas durer longtemps. Et nous allons voir quel est le Dieu qui est Dieu ce soir. Vous avez l'habitude de parler dans vos chambres, dans vos mouburmoukoupes. Moi, je parle librement. Si vous êtes sorcier, descendez. Nous allons faire un petit exercice. La bouche de l'Éternel a prophétisé. Dis à ton voisin, rien à faire. Dis à ton voisin, Aboria. Aboria, Ngola. Les sorciers. Où sont les sorciers? Les petits sorciers de ton village qui t'embêtent, où sont-ils? Je veux le sorcier. Dis à ton voisin, papa veut le sorcier. Dis à ton voisin, papa veut le sorcier. Tu n'es pas parmi eux par hasard. Hey! Ça c'est la trompette de la victoire. La Bible dit le son de la trompette. C'est la trompette de la délivrance. Les démons doivent partir. Les esprits doivent partir. L'infirmité doit partir. Celui qui ne marche pas doit marcher. Celui qui ne voit pas doit voir. Celui qui est malade doit recevoir la guérison. La trompette de la guérison a sonné. La trompette de la délivrance a sonné. Rien à faire. Rien à faire. J'asperge le sang de Jésus sur toutes les tribunes. J'envoie le sang de Jésus sur toutes les tribunes. J'envoie le sang de Jésus sur toutes les tribunes. J'envoie le sang de Jésus sur toutes les tribunes. J'envoie le sang de Jésus sur toutes les tribunes. J'envoie le sang de Jésus sur toutes les tribunes. Sur toutes les tribunes, j'envoie le sang de Jésus. J'envoie le sang de Jésus. Le sang de la guérison. Le sang de la délivrance. Le sang de la prospérité. Rien à faire. Demande à ton voisin, où est le sorcier? Papa cherche le sorcier. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. À partir du verset 51. Il est écrit. Il est écrit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Et voici. Le voile du temple se déchira en deux. Et depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut. Ça marque déjà le début de ta délivrance. Depuis le haut jusqu'en bas. Puisque les sorciers de ton village t'ont mis dans un sac. Avant d'arriver ici, tu étais déjà dans le sac. Depuis 2 ans, tu étais dans le sac. Depuis 3 ans, tu étais dans le sac. Depuis 10 ans, tu étais dans le sac. Ton mariage était dans le sac. Tes intestins étaient dans le sac. Et c'est pour cela que tu avais mal au ventre. Ton cerveau était dans le sac. Tes projets étaient dans le sac. Tes affaires dans le sac. Ta santé aussi était dans le sac. Mais aujourd'hui, cette nuit même, le sac doit se déchirer. Depuis le haut jusqu'en bas, le sac doit se déchirer. Ta tante t'avait mis dans le sac. Ta tante t'avait mis dans le sac. Ton oncle t'avait mis dans le sac. Ton frère t'avait mis dans le sac. Ton voisin t'avait mis dans le sac. Et aussi ton collègue de service t'avait mis dans le sac. Ton frère t'avait mis dans le sac. Ton mari t'avait mis dans le sac. Ta femme t'avait mis dans le sac. Ton copain t'avait mis dans le sac. Ta copine t'avait mis dans le sac. Mais aujourd'hui, le sac doit se déchirer. Depuis le haut jusqu'en bas. Et tu vas sortir. Tu vas commencer à marcher. Tes affaires vont commencer à marcher. À sauter. Tes affaires vont commencer à marcher. Tes projets vont marcher. Les sorciers au quartier auront peur de toi. Même si tu es infirme. Tu es infirme, tes jambes vont se redresser aujourd'hui. Tu es infirme, tes jambes vont se redresser. Tu es infirme, tes jambes vont se redresser. Tu es aveugle, tu vas voir tes projets qui étaient dans le sac. Tu vas commencer à marcher. La bouche de l'Éternel. Aujourd'hui, tu sors du sac des sorciers. Tu sors du sac des sorciers. Le voile du temple. Le voile de ton corps. Le voile qui empêchait ton corps de recevoir la bénédiction. Tu as prié fatigué. Et quand tu as envoyé la bénédiction, parce que tu étais dans le sac, la bénédiction ne tombait pas sur toi. Tu étais dans le sac des sorciers. Quand la bénédiction de Dieu descendait, ne te trouvait pas. Mais aujourd'hui, le sac doit se déchirer du haut jusqu'en bas. Le sac doit se déchirer du haut. Tu t'es querellé avec une femme. Elle t'a mis dans le sac. Tu disputais un homme avec une femme. Elle t'a mis dans le sac. Tu disais marcher avec tes collègues hommes d'affaires. Ils t'ont mis dans le sac. Dans ta vie professionnelle, là où tu travailles, il y a tes collègues de service. Ils ont vu ton étoile qui brillait. Ils t'ont mis dans le sac. Dans la famille, l'oncle, la tante, qui a vu depuis ta naissance que ton étoile brille. Plus que les étoiles de ses filles, plus que les étoiles de ses enfants. Il a mis tout cela dans le sac. Mais aujourd'hui, je déclare, le sac se déchire déjà. Du haut jusqu'en bas. Si tu es venu de Bafoussam, si tu es venu de Tchon, si tu es venu du Nord, tu es venu de l'étranger, tu vas rentrer libre. Tu ne seras plus de sac. Tu vas rentrer marchant avec tes pieds. Marchant avec tes pieds. Tu vas marcher avec tes affaires. Tu vas rentrer avec tes projets. Tu vas rentrer avec tes affaires. Tu vas rentrer avec la santé. Tu es guéri à partir de ce soir. Tu es guéri à partir de ce soir. La bouche de l'Éternel. C'est la trompette de la guérison. C'est la trompette de la délivrance. Le sac, dis à ton voisin, le sac doit se déchirer. Dis à ton voisin, ne va pas se déchirer à moitié. Ça sera du haut jusqu'en bas. Ça sera du haut jusqu'en bas. Et moi, je dois sortir. Tout ce qui t'appartient doit sortir. Alors, selon toi, qu'est-ce qui t'appartient et qui était dans le sac qui ne marchait pas? Commence à citer ce qui doit sortir. Alors, selon toi aussi, qu'est-ce qui était dans le sac? Tu dois identifier la montagne. Et cette montagne qui n'est pas identifiée dans ta vie ne peut pas être aussi ôtée. Et tu dois le faire avec la foi. Avec la foi, qu'est-ce que tu dois identifier? Ce qui ne marchait pas dans ta vie avant de venir au Temple des Nations ce dimanche. Pascal, sur l'adresse que je m'en vais vous donner, et cela est très important, très très important, si vous allez d'abord rencontrer cette adresse, au niveau de votre vidéo, au bas de cette vidéo. Je dis bien au bas de cette vidéo parce que on n'a pas changé d'adresse. Nous avons des travaux dans la salle qui continuent. Des travaux dans la salle qui continuent. Des grands travaux. Mais on a obtenu une salle à la gare du Nord. À la gare du Nord, en raison donc de tous ces travaux, à les raisons de l'indisponibilité de notre salle de Domont à cause des travaux, Table des Nations Paris informe donc ses fidèles que le culte de dimanche, dimanche pascal, la Pâque, puisque nous célébrons la Pâque, et chaque dimanche, tout le mois de mai d'ailleurs, se déroule, tout le mois d'avril d'ailleurs, se déroule à l'adresse suivante, 43 rue de Dunkerque, au 75 010 Paris, à 9h. Au bas de votre vidéo, regardez, vous allez voir l'adresse, à partir de 9h. Donc vous venez, et vous allez prenez la feuille, mentionner tout ce qui est dit. Commence à citer ce qui doit sortir. Commence à citer. Le sac est déchiré. Le sac est déchiré. Le sac est déchiré. Le sac est déchiré. Le sac est déchiré. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Et il y a des femmes. Il y a une femme dont l'utérus est comme le sac. L'utérus de cette femme dans ton village est comme le sac. Elle a mis toutes les filles, toutes les femmes de ce village dans son utérus, afin qu'elle ne trouve pas le mariage. Celle qui trouvera le mariage va vivre malheureuse dans ce mariage. Elle a son utérus comme le sac. Elle a son utérus comme le sac. Elle a son utérus comme le sac dans ton village, là où tu habites. Elle a son utérus comme le sac. Elle t'a mis dans le sac, dans son utérus, afin que tu ne prospères pas, afin que les hommes de ce village ne prospèrent pas, afin que les garçons ne trouvent pas du travail. Elle a envoyé tout le monde dans le sac, dans son utérus. Mais l'utérus doit se déchirer. Ça doit se déchirer du haut jusqu'en bas. La bouche de l'Éternel. Ça commence! Ça commence! Le sac s'est déchiré! Le sac s'est déchiré! Le sac s'est déchiré! Le sac s'est déchiré! Le sac s'est déchiré! Tu vas marcher! Tu vas marcher! Le sac s'est déchiré! Elle est sortie du sac! Elle est sortie du sac! Elle est sortie du sac! Elle est sortie du sac! Elle est sortie du sac! Elle est sortie du sac! Le sac s'est déchiré! Le sac s'est déchiré! Le sac s'est déchiré! Oh! Le feu! Le feu! Le feu du Saint-Esprit! Le sac s'est déchiré! Le sac s'est déchiré! Le sac s'est déchiré! Ma fille, tu es libre! Tu es libre! Le sac s'est déchiré! Le sac s'est déchiré! Le sac s'est déchiré! Le sac s'est déchiré! Le feu! Jésus! Le miracle commence! Les sacs se déchirent! Le miracle. Et voilà, les sacs se déchirent, les sacs de sorcellerie. Qui t'a mis dans le sac? Voilà une montagne, des montagnes. Qui a mis ton argent dans le sac? Et qui a mis ton mariage dans le sac? Qui a mis ta famille dans le sac? Qui a mis faire les péchés des ancêtres affecte non seulement la vie des individus et des familles, mais cela peut aussi avoir une grande influence sur les nations tout entières. Regardons encore les Saintes Écritures dans Deutéronome chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, qui parle, c'est Dieu. Est-ce que Jésus a aboli tout ça? Non. Il n'est pas venu pour abolir. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités dans les pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leur père. De leur père. Qui parle? C'est Dieu. Toi, tu es en Europe, tu es parti de ton pays pour aller se chercher. Aujourd'hui, rien ne marche. Mais tu vis dans la sanctification. Mais tu ne comprends pas, tu ne sais pas que. Et on continue à dire, tu es dans l'église où tu vas, je ne sais où tu vas, où tu vas, tu restes, tu regardes les conneries que les gens viennent raconter dans, sur les chaînes de télévision, sur les. Tout le monde a la capacité d'avoir une chaîne de télévision sur YouTube, raconter ses bêtises comme il veut, comme il entend. Et tu suis tout ça, tu gobes tout ça et tu es rassasié de malédiction, bien sûr. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans les pays de leurs ennemis. Quel est le continent dont les enfants se trouveraient à l'extérieur, hors de ce continent, plus que l'Afrique aujourd'hui? Est-ce que ceci ne s'applique pas sur nous? Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Lui, il avait l'alliance. Est-ce que les Africains avaient donc une alliance avec Dieu? Aucune. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les parents alcooliques avaient des enfants alcooliques? Ce n'est pas uniquement parce qu'ils reproduisent le schéma comportemental de leurs parents. Mais c'est aussi à cause des péchés hérités de leur père. La même manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. 1 Pierre chapitre 1er verset 18. Quand Pierre parle de ça, c'est dit à cause du sang de Jésus. Et on vous dit que c'est à cause du sang de Jésus qui a tout fait. Mais, écoute-moi bien, en lisant 1 Pierre, chapitre 1er, mais il va très loin encore. Je parle de Pierre. Il va très loin encore. Et nous allons lire au chapitre 1er, à partir du verset 18. Il dit ceci. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage, ça veut dire voilà, qui ne dure pas. Mais vous prenez ce monde comme si c'était. Il y a des gens, donnez votre argent, donnez votre dîme. Vous avez. Il y a des gens, donnez la dîme, rien. Offrande, rien. Il dit je dois construire mes maisons, j'ai des projets, j'ai ceci. Tous les yeux des chrétiens d'aujourd'hui, chrétiens, je ne parle pas des vrais enfants d'eux, même pour les travaux, simples travaux que nous faisons là, à Domont, envoie 100 euros, envoie 200 euros, 1000 euros, ça te dépasse. Et pourtant, tu es en pèlerinage. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté. Racheté pour aller où? Au ciel. De la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. L'héritage commence au niveau d'Adam et Ève. Le péché originel, les péchés héréditaires et les péchés personnels. Mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache, prédestinés avant la fondation du monde et manifestés à la fin des temps à cause de vous. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a resté de mort, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, Jésus est la vérité, la parole. Et quelle est la parole qui est donc prêchée? Purifiez vos âmes. Il a dit quoi? Chasser les démons, non? C'est pas la parole? en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Est-ce que cette parole est vivante? Est-ce qu'elle est permanente? Elle sera vivante lorsque votre âme sera délivrée. Bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Quelle est l'âme qui peut prospérer sans délivrance? La troisième vidéo de demain, je veux enseigner beaucoup de choses encore là-dessus. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Dans cette parole, n'a-t-il pas parlé de chasser les démons? On chasse alors les démons où? D'autres disent que ce sont les apôtres qui ont reçu ce mandat. Nous, aujourd'hui, on n'a pas ce mandat. Menteur. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ce n'est pas écrit? Les signes accompagnent ceux qui vont croire jusqu'à nos jours. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La parole du Seigneur demeure éternellement. Éternellement. Quelle parole qui demeure donc éternellement? Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Par l'Évangile. Et l'Évangile, c'est qui? C'est le ministère de Jésus. C'est la vie de Jésus, c'est ça l'Évangile. La mission de Jésus sur la terre. Et quelle a été la mission de Jésus quand vous observez? Il a fait des miracles, il a guéri, il a délivré. Il a donné sa vie pour nous purifier, nous délivrer du péché originel, ouvrir le ciel pour nous. Ouvrir le ciel pour nous. C'est pourquoi tous ceux qui veulent, qui sont abonnés là sur notre chaîne, il faut s'abonner, il faudrait s'abonner. Et ce dimanche, pour ceux qui sont à Paris, mais si vous êtes à l'extérieur, hors de Paris, commencez votre cellule là, vous mettez nos vidéos là. Là, vous appartenez à une famille spirituelle sur la terre d'abord. Il y a eu les églises locales, depuis le livre des Actes des Apôtres, qui est le ministère de Jésus, l'église primitive. C'est ça la première, ça c'est aussi une montagne. Que Satan est en train de fabriquer des enseignements diaboliques. Il vous demande de rester à la maison, ne l'est pas. Mais je demande à mes enfants, tu ne dois pas demander aux enfants que toi tu n'as jamais évangélisé. Je vous amène au Seigneur, mais avec les médias, je peux vous enseigner. J'enseigne au Cameroun par vidéoconférence parce que c'est mon ministère, là où Dieu m'a assigné des limites. Je ne m'adresse pas, je ne dis pas aux enfants des autres serviteurs de Dieu restant à la maison, non. Si tu as reçu le Seigneur par l'évangile que je prêche, tu dois suivre les enseignements, je dois te nourrir parce que je suis ton père spirituel, je dois te nourrir spirituellement. Et si je te nourris spirituellement, je dois m'occuper de toi pour te donner le lait spirituel. Ce que Pierre dit ici, approchez-vous, il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Quel lait spirituel est pur? Cette parole, comme, c'est pas parce que tu vas lire à la maison, tu ne comprendras absolument rien. Donc tu dois suivre nos enseignements tous les jours. Parce que tu appartiens déjà à la famille du temple des nations. À la famille du temple des nations. Tu invites tes amis, tes collègues de service à venir à la maison suivre avec toi. Quand les directs vont commencer, sous peu de temps, on va commencer les directs au temple des nations. Je veux commencer à prophétiser vos besoins spirituels. Faites connaître vos besoins spirituels. On va commencer à prier pour ceux qui sont loin de Paris, à prier en direct, selon vos besoins que vous allez nous envoyer. Mais commencez à vous réunir et faites savoir aussi, vous appelez, vous m'appelez sur le numéro qui s'affiche là, 0033 643 98 92 24. Vous appelez, dites, moi j'ai donné ma maison pour faire une cellule Table Nation. Et tu commences à évangéliser là. Tu invites les gens à venir prier avec toi. Vous commencez, c'est une cellule. Vous êtes à Londres, commencez. Vous êtes aux États-Unis, commencez. Dans n'importe quelle ville de France, commencez. En Afrique, commencez. Commencez. Et si vous êtes touché, que vous aviez reçu le Seigneur, je vais vous amener à confesser la foi pour que le péché originel puisse disparaître dans votre vie. En suivant cet évangile maintenant, vous vous mettez à genoux, vous commencez à identifier la présence du péché originel dans votre vie tout de suite. Vous reconnaissez que je suis né dans le péché adamique parce que j'ai été créé par Dieu et Adam s'est rebellé. Donc j'avais hérité, c'est un héritage comme Pierre le dit, la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Alors l'héritage commence à quel niveau? Au niveau d'Adam. Et si vous n'aviez pas identifié cet héritage depuis que vous allez dans une église, ça veut dire que vous n'êtes même pas encore né de nouveau. Alors commencez par l'identifier au nom de Jésus. Vous vous mettez à genoux, vous dites, j'identifie à partir d'aujourd'hui la présence du péché originel dans ma vie. Et j'ai entendu, vous répétez les phrases que je prononce, j'ai entendu par la bouche de cet homme que le Seigneur a envoyé que le péché originel existe. Je crois qu'il existe parce que le monde est conduit par Satan, selon 1 Jean chapitre 5 verset 19. Le monde entier sous la puissance du diable. Et aujourd'hui, par la puissance du sang de Jésus, je suis délivré du péché originel, libéré du péché originel. Parce qu'il est écrit, l'on vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu dans ma vie. Je lui donne ma vie. Seigneur Jésus, que ton sang me lave, me délivre du péché originel, me délivre de la vaine manière de vivre que j'avais hérité de mes ancêtres, les coutumes, les traditions, me délivre de mes propres péchés. Et à partir d'aujourd'hui, tu prends l'engagement de faire la liste de tous ces péchés. Tu commences à prier. À prier la liste des péchés de tes ancêtres, les coutumes, les traditions, tes parents. Et puis la liste des péchés, tes propres péchés, depuis ta naissance jusqu'à ce jour. Tu commences à prier aussi, à demander pardon, à prendre la résolution de ne pas recommencer. Et tu commences aussi à suivre nos enseignements. La Bible précise dans le livre des Actes des Apôtres, après avoir entendu ces discours, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Après avoir entendu ces discours, Actes des Apôtres, chapitre 2, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alors, je suis ton apôtre, ton père spirituel qui t'a annoncé, qui t'a révélé l'existence du péché originel, même si tu étais déjà chrétien, Jojo, les chrétiens des églises. Chrétien. Même si tu es pasteur, même si tu sais que le jour que toi tu as entendu l'évangile, on ne t'avait pas parlé du péché originel, tu n'es pas né de nouveau. Tu prêches comme Apollos. Je dis bien même si tu es pasteur. Tu dois te mettre à genoux et tu diras que c'est le docteur et son qui m'avait conduit au Seigneur. Sois humble, frère. L'humilité précède la gloire. J'ai vu les pasteurs au Cameroun qui ont des grandes assemblées aujourd'hui en moins de 3 ans. Qui avait trimé auparavant, parce qu'ils étaient toujours habités par le péché originel. Mais toi aussi, la Bible précise que ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières. L'enseignement des apôtres. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Pourquoi aujourd'hui, les pasteurs, les prophètes fabriquent des prophéties, fabriquent des miracles? Ça, là, c'est pas fabriqué. Ce que vous voyez là sur votre petit écran, c'est dans un stade. Auparavant, les Camerounais sorciers disaient, « Tchali, ils sont de l'argent, comment tu peux donner de l'argent aux milliers de personnes qui sont là ?» Et il n'y a personne qui n'a jamais témoigné qu'on m'a donné l'argent. Ça là, c'est l'argent qu'on a donné, ce que vous voyez là. Tu dois marcher. Toi qui es venu sans marcher, tu dois marcher. Tu dois marcher. Le sort s'est déchiré. Toi qui es venu sans voir, tu dois voir. Voilà sa mère qui est ébahie. Sa mère qui l'avait amenée. Qui est étonnée de ce qui se passe sous ses yeux. Vous pensez que cette mère joue la comédie? Selon vos sorciers, selon vos démons. Car c'est ce que les démons vous disent. Qu'ils racontent. Sans marcher, tu dois marcher, tu dois marcher. Le sort s'est déchiré. Toi qui es venu sans voir. Voici la maman. Vous pensez qu'elle joue la comédie? Cette mère ne joue pas la comédie. Faites ce que je suis en train de vous dire. Elle est sortie, cet enfant est sorti de l'utérus d'une vieille maman de leur famille qui, depuis les origines, a mis cet enfant dans son utérus qui ne devait pas marcher. Ses organes dans l'utérus. Dans la même famille, Jésus a dit quoi? L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Elle met l'utérus. Sa tante met sorcière, sa tante sorcière met cet enfant depuis sa naissance dans son utérus. Et Jésus délivre cet enfant. C'est pourquoi je vous demande de venir au temple des nations. Si vous habitez Paris ou bien les villes voisines, vous pouvez venir dimanche sur cette adresse que vous allez lire au bas de votre vidéo. J'ai vu des miracles se produire comme ça. Je prêche à la télévision. Jésus commence à guérir les gens dans les maisons. C'est pourquoi j'ai dit, faites des cellules, invitez les gens, faites des cellules, invitez les gens. Appelez-nous. Si vous faites une cellule sans nous appeler, sans nous avertir, cette cellule ne vient pas de Dieu, c'est votre orgueil ou bien vous êtes un sorcier. Vous devez vous identifier au siège du ministère ici à Paris que voilà, je veux ouvrir une cellule, Temple des Nations, j'ai suivi l'évangile du danger, j'ai reçu le Seigneur, j'ai reçu le Seigneur par la bouche de cet homme de Dieu et vous aurez tous les enseignements selon ce qui est enseigné ici. Il persévérait, Actes chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous allez faire tout ça, c'est une église qui commence comme ça, la cellule. Et quand ça commence déjà à grandir, 15 personnes, 20 personnes, avec les offrandes que vous faites, vous louez une salle et je viens. Je viens donc, j'envoie un pasteur, je viens, toi-même qui a commencé cette cellule, tu deviens une servante ou bien un serviteur de Dieu. On va te consacrer. C'est ça. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement. Dans les enseignements que vous recevez sur vidéo, vous devez partager. Il faut d'abord s'abonner, partager. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire. Demandez à tous vos amis de s'abonner sur YouTube, Temple des Nations. Les autres adresses que vous avez vues sur la vidéo, c'est les anciennes adresses, prophétise, tout ça, sur Facebook, tout ça, tout ça. Mais notre adresse principale, c'est donc notre chaîne principale sur YouTube, c'est Temple des Nations sur YouTube. Temple des Nations sur YouTube. Il faut s'abonner sur Temple des Nations. Voilà ce que j'avais à vous dire. On vous attend ce dimanche. Ceux qui regardent au Cameroun, vous êtes au Bénin, faites une cellule, invitez les gens chez vous à la maison. Vous êtes au Togo. Vous êtes partout dans le monde. Je m'adresse à ceux qui reçoivent l'évangile que je prêche, qui naissent de nouveau par. Et j'annonce également qu'il y a une grande convention au Cameroun le 1er, à partir du 1er août, qui va durer une semaine. Une grande convention. Dans le plus grand, ici là, c'est pas le grand stade, dans le plus grand stade qui a au moins 40 000 places. Donc, 1er août 2018, commencez à appeler pour faire votre réservation, l'Europe, l'Afrique, tous ceux qui sont en Afrique. Et je demande à tous mes enfants spirituels, même ceux qui se sont rebellés, de venir là, se repentir. Sinon, vous irez en enfer. Que ce soit ceux qui se disent pasteurs déjà, ceux qui sont des enfants de Dieu, qui ont reçu l'évangile depuis 25 ans, 26 ans, aujourd'hui que j'annonce l'évangile. Alors, vous devez être au Cameroun au mois d'août. Prochain, à partir du 1er août. C'est la communion fraternelle avec tous mes enfants spirituels. Comme l'apôtre Paul le dit, je dois distribuer les dons du Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul le dit, il a dit ça. Qu'il voudrait être prêt pour leur distribuer ses dons. Voilà ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une onction tout à fait particulière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.